Vacarme s'achève, mais restez avec nous, on écoute ensemble Histoire vivante sur la Première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. J'ai réalisé que, effectivement, dans une œuvre apparemment figée, le peintre avait la capacité de dynamiser son récit. Cette semaine, Élie et Léonard. Pour lui, l'art, il est basé sur l'émotion et sur le rapport affectif qu'on peut entretenir avec une œuvre. Deux regards singuliers. Pour lui, il ne faut pas séparer les arts, il ne faut pas séparer les périodes, il ne faut pas séparer les cultures, il faut les voir par point et contrepoint. Pour Léonard de Vinci, tout est, en termes d'ombre et de lumière, imbrication absolue. Élie Faure est un scientifique, en quelque sorte, donc c'est quelqu'un qui n'est pas que lyrique, qui contrebalance la science par le lyrisme et le mysticisme. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Bonjour, mon nom est Muriel Van Vliet, je suis philosophe de formation, je suis professeure de philosophie en classe préparatoire et j'interviens à l'université de Rennes, donc sur les thèmes que sont soit la philosophie allemande, la philosophie générale ou l'esthétique. Donc je me suis intéressée pour ma thèse aux thèmes que sont le symbole, la forme, la structure, l'origine du structuralisme. Je suis tombée, on va dire, sur Élie Faure au détour de mon travail dans un comité de lecture pour la revue Regards croisés. Donc c'est une revue dont nous préparons le 10e numéro actuellement, qui est une revue d'esthétique et d'histoire de l'art, qui présente l'intérêt d'être franco-allemande, donc bilingue, qui est une revue de recension, donc une revue un peu technique, mais qui présente également des portraits alternativement français ou allemand pour les faire présenter à l'autre univers linguistique et qui présente alternativement des thèmes. Donc ça peut être l'académisme, ça peut être donc le portrait de Leroy Gourhan, etc. Et donc nous avons travaillé sur Élie Faure et c'est à cette occasion que j'ai pu travailler sur cet historien de l'art. C'était pour vous l'occasion de le découvrir ? Oui, parce que en fait, je m'étais intéressée à Faucillon, je m'étais intéressée au lyrisme d'un Michel Léris, donc à des auteurs qui forment le puzzle, on va dire, autour d'Élie Faure. Et en fin de compte, en m'intéressant à Élie Faure, j'ai un petit peu complété mon puzzle de toutes les figures en histoire de l'art et philosophes autour de la forme vivante. Et donc ça a en quelque sorte élargi le panorama. Je vais exprimer tout de suite un regret, celui de ne pas avoir été présent en 2016 quand vous avez donné une conférence, parce que vous êtes également conférencière, sur l'esprit brouillon. J'ai trouvé la proposition tout à fait incroyable. Alors, à vrai dire, l'esprit brouillon, en fait, ce qu'il faut d'invention pour être créatif, c'est un ensemble de réflexions que j'avais voulu mener lorsque j'étais au Centre allemand d'histoire de l'art de Paris, puisque nous étions amenés à avoir un directeur de thématique et nous avons eu Georges Didier Huberman pour l'année sur le rapport du texte à l'image. Et donc nous avons participé à la nuit blanche dans la foulée avec des amis, travaillé sur le blanc, sur la notion de silence. Et dans cette continuation, on s'était dit que ce serait intéressant de faire intervenir de manière pluridisciplinaire des personnes autour de cette question du brouillage qu'il faut pour être créatif. L'ensemble ne s'est pas encore tout à fait réalisé, donc vous pourrez éventuellement continuer à assister à ce qui va se passer, parce que c'est un projet qui n'a pas encore été tout à fait mené. Vous allez voir le raccourci épouvantable que je fais. Est-ce que pour vous, un Élie Faure, ce serait un esprit brouillon ? Ah oui, plus que brouillon, puisqu'il va à Sceaux et à Gambade, difficile de le suivre. C'est quelqu'un qui était au départ médecin, il ne faut pas oublier qu'il a quand même une pluridisciplinarité dans la formation. Il est même allé sur le front lors de la Première Guerre mondiale. À un certain moment, il est même atteint de neurasthénie, c'est-à-dire que c'est le grand blanc, parce que la guerre, c'est épouvantable, et finalement, il retourne encore au front. Ensuite, c'est dans l'entre-deux-guerres qu'il va commencer à écrire. Alors, pour répondre exactement, je dirais qu'il paraît brouillon, Mais en fin de compte, lui, il veut unifier les choses. Il a quand même une ambition systématique. Donc c'est un Nietzschéen, c'est-à-dire que la force domine sur la forme. Il vient faire exploser les formes. Mais en même temps, son grand projet, c'est quand même quelque chose digne d'un Bergson, qui a été son professeur, c'est de réunifier les formes, de retrouver la dynamique unique qui peut unifier tout ça. Donc par-delà les périodisations, par exemple, ce qui l'intéresse, c'est les durées, le rythme, les mouvements d'oscillation entre une tendance et une autre contraire. Et donc finalement, il n'est pas tant brouillon, je dirais, que j'allais dire goethéen aussi, c'est-à-dire qu'il travaille par diastole et systole, par respiration. Donc c'est une affaire de tempo et c'est pas si brouillon que ça finalement, puisqu'il y a une unité de style dans son écriture. C'est comme une grande symphonie ce qu'il fait. Donc il ouvre dans quantité de directions. Et justement, sur ces questions de rupture, de nouveaux moments, j'ai relevé dans votre écriture cette notion de découpe, si j'ose dire, architecture, sculpture, peinture, portrait. Oui. Quelque chose qui partirait du collectif pour aller vers l'individu. Oui, ouais, exactement. Est-ce que vous pouvez un petit peu alors, débrouiller ça? En fait, c'est que pour lui, il ne faut pas séparer les arts, il ne faut pas séparer les périodes, il ne faut pas séparer les cultures, il faut les voir par point et contrepoint. Et effectivement, il dit que l'architecture, c'est le moment où on donne une structure à la société. C'est quand le collectif croit globalement à un dieu, ou voilà, on pense aux édifices religieux évidemment. Ensuite, le moment de la sculpture, ce serait le moment où on structure l'objet. Quant à la peinture, c'est la structure de l'individu, donc on commence à individualiser avec le portrait, évidemment. Et alors, que vient faire la musique dans tout ça? Elle vient aider à passer de l'individu au collectif. Donc on est un peu éloigné d'un Hegel qui veut faire générer les arts les uns des autres, mais en même temps, on est dans cette idée qu'il y a une sorte de drame qui se joue. Et le drame, c'est que l'individu risque de se refermer sur lui-même. Et c'est le cinéma et l'architecture renouvelée par Le Corbusier qui doivent venir à la fois sanctifier l'individu, mais aussi le remettre dans un groupe. Un petit peu comme Benjamin va parler du cinéma comme un lieu où se passe quelque chose de collectif. Il y a des accents un peu marxistes aussi chez Elifort. On va avec vous, puisque nous avons déjà évoqué tout au long de la semaine Elifort dans bien des points biographiques et puis également son histoire de l'art, peut-être aidez-nous à situer l'esprit des formes, qui est un volume qui paraît après l'histoire de l'art. Quelle est l'intention d'Elifort avec cet esprit des formes? S'agit-il de faire une sorte de post-scriptum à sa gigantesque histoire de l'art qui précède, ou a-t-il encore des choses à dire qu'il n'a pas eu le temps d'écrire et qui sont, je pense, relativement reliées aux artistes contemporains qui sont à côté de lui, ou tout au moins de son temps? Donc effectivement, son esthétique dans l'esprit des formes arrive assez tard, et donc il l'écrit très vite, dans un esprit brouillon, on va dire, mais ça ne paraît qu'au terme d'un accouchement difficile, hein, donc il écrit, il réécrit sans cesse, il se plaint auprès de son fils qu'il n'arrive pas à achever, donc en 1927, l'écriture est achevée, mais bien après, en fait, son histoire des formes. Donc l'histoire des formes en 5 tomes avait déployé donc les différents aspects en suivant les époques. Les derniers tomes étaient en réalité commandés à l'origine par l'éditeur, mais après, Elifort tenait absolument à ce que la publication, la réédition de son œuvre compte ses ouvrages comme étant, on va dire, soit la clé de voûte de l'édifice, soit le point d'orgue, on va dire, ou qui permet de relire d'un point de vue synchronique ce qu'il avait d'abord vu de manière diachronique. Son idée, c'est qu'il avait déjà des velléités, il avait déjà envie d'écrire de l'esthétique, mais sous forme encore incoative lorsqu'il publiait dans l'Aurore. Donc son idée de donner à voir une esthétique, une manière de voir l'art dans toute son ampleur, était déjà là avant d'écrire l'histoire de l'art. Mais ce n'est qu'au terme, en fait, qu'il a réussi à aboutir ce projet. où on voit, à mon avis, l'influence de Nietzsche et de Bergson, si on veut rapprocher de considérations esthétiques son œuvre. C'est-à-dire de Nietzsche, parce que des formes, c'est finalement, derrière les formes, il faut voir des jeux de force, d'action, de réaction, action du milieu, action déterminisme du milieu, ça peut être également du sol, de la géographie, etc., puisqu'il a un oncle qui est géographe, fasciné aussi par Gobineau et par Taine. Et donc il y a cette action et cette réaction. La réaction, comme un acrobate, c'est celle de l'artiste, mais aussi de l'historien de l'art, qui doit montrer la liberté qu'on a à jongler avec toutes ces formes et à en faire une combinatoire qui tienne par son jeu, par son élan. Lui-même, à votre connaissance, tient-il parfois le pinceau ? Ça, je ne le sais pas. Je sais qu'il était, lorsqu'il s'est formé, donc il était à Henri IV, donc il a eu comme professeur Bergson. Et la pensée et le mouvement, d'ailleurs, on se dit que ça a quelque chose à voir avec son projet. Son côté aussi mystique, un petit peu, qu'on reconnaît chez Bergson dans... les deux sources de la religion et de la morale. Et donc, il allait beaucoup au Louvre. En fait, c'est plutôt quelqu'un qui arpente les musées, en long, en large, en travers, comme j'ai pu le faire aussi, justement, quand je me suis formée à Paris, où j'étais provinciale. À son rythme, à lui, aussi rapidement ? Non. J'avançais, au départ, je m'étais dit que je visiterais le Louvre salle par salle, comme ça. Et finalement, après, c'était œuvre par œuvre. J'avançais très peu et le musée m'a semblé reculer au fur et à mesure où j'avançais. Ça m'a semblé très mystérieux. Vous n'avez pas choisi plus petit. Voilà. Et je pense que ces livres donnent cette impression aussi d'une profondeur, d'une profusion. C'est comme un arbre dont les branches continuent à éclore. Il y a quelque chose de goethéen au sens où Goethe dit « ce qui est vrai, c'est ce qui fructifie ». Donc lui, ça fructifie. C'est pas forcément exact. Les titres des œuvres ne figurent pas. Mais ce n'est pas grave, ça fait un feu d'artifice. Et c'est le plaisir de lire avec lui. Tiens, bah d'ailleurs, je vais vous y inviter, puisque vous nous avez amené quelques citations. J'aimerais bien que vous en lisiez peut-être, si vous en avez une ou deux. Et puis après, je vous interrogerai précisément sur la forme de son écriture. Sachant que, d'évidence, cette forme d'écriture peut être qualifiée aujourd'hui de... désuète ou d'ancienne. On écrit beaucoup moins, en tout cas, comme ça aujourd'hui. Vous êtes une jeune femme, c'est deux temporalités qui sont tout à fait différentes, et j'aimerais bien avoir les échos de ça. Mais peut-être, oui, je vous invite d'abord... Oui, j'avais songé à lire un passage, parce que justement, sur ce lyrisme qu'il assume, on a une citation qui date de 1921, qu'il voulait peut-être mettre... en exergue d'un de ses livres. Et donc, je vais vous la lire parce qu'elle questionne justement son écriture. Alors, il dit « On m'a reproché de n'avoir pas écrit une histoire de l'art, mais plutôt une sorte de poème à propos de l'histoire de l'art. Ce reproche m'a laissé rêveur. Je me suis demandé ce que pourrait être, en dehors d'une chronologie pure et simple, le récit d'événements intérieurs dont l'expression matérielle est constituée tout entière par des éléments affectifs. Il n'y a pas d'histoire qui ne soit fatalement soumise à l'interprétation de l'historien. Ce qui est vrai pour l'histoire des actions des hommes l'est infiniment plus pour celle de ses idées, de ses sensations et de ses désirs. Je ne conçois pas une histoire de l'art qui ne soit constituée par une transposition poétique, non pas aussi exacte mais aussi vivante que possible. » Du poème plastique conçu par l'humanité. Dès que le casting est fait, vous avez le rôle. Hein. Je vais m'arrêter un instant simplement sur le ton avec lequel vous avez dit ça. C'est que vous avez emprunté un ton, et ce ton, c'est à l'évidence, contient une partie de la façon dont vous vous représentez Elifor. C'est pour vous quelqu'un qui s'exprime de façon péremptoire, de façon affirmée? Oh, je crois oui, parce qu'il il est vif, en fait. C'est quelqu'un qui est vif, donc il s'affirme. C'est pour ça que certaines personnes peuvent laisser tomber le livre en se disant « Mais quel culot de s'avancer comme ça. » Il aurait dû intituler ça « L'Assommoir ». Voilà, parce que... Mais alors, quand on lit Diderot, Les Salons, qui nous invite à rire, à pleurer, à qui s'exclame. C'était bien ça aussi, ce lyrisme assumé. C'est pas un hasard d'ailleurs qu'on retrouve Diderot, parce que tout à l'heure j'ai parlé de Goethe. Goethe, c'est quelqu'un qui défendait une forme de morphologie, c'est-à-dire l'art comme expérience subjective. Goethe, par exemple, rêvant à la fenêtre des nuages parce qu'il s'ennuie et qui parle, qui fait parler les nuages. Et donc ce Goethe, cette morphologie, cette approche très concrète, très vivante, on la retrouve aussi chez Diderot. Et qui s'autorise des hypothèses, en fait. Il n'est pas tant péremptoire que productif, en fait. Il y a quelque chose également qui m'apparaît au travers de ce personnage que l'on côtoie comme ça au cours de la semaine. C'est quelqu'un qui ne semble pas être pénétré d'un sentiment de culpabilité, de honte, qui avance vers les choses avec envie, avec goût, avec désir, que rien ne semble véritablement intimider. Oui, exactement. Je pense qu'il parle même de la cruauté des dieux, parce qu'il y a, il est capable, comme un Georges Bataille, de parler de sexualité, d'amour. Il y a des rapprochements à faire avec Freud également. Il parle vraiment, l'art pour lui, c'est une forme de sublimation. Il se passe Eros et Thanatos en combat, hein, donc à travers l'art pour lui. Donc il s'y passe des choses. Il faut aimer l'art. L'art est une affaire de déchirement parfois. Surmonter le traumatisme en dansant un petit peu comme Nietzsche dit face au tragique de l'existence, enfanter une étoile qui danse. Donc il y a quelque chose du funambule, de l'acrobate. À ceci près que, au contraire de Nietzsche, Elifort a cette expérience, cette double expérience même, j'allais dire, de la guerre au front en 14-18 et de la boucherie qu'on n'arrive toujours pas à imaginer et de ce côtoiement quotidien avec la mort du fait de son métier d'embaumeur. Ben oui, il y a le corps qui est présent, en fait. Hein. Le corps est plus que présent, le côté charnel qui est décrit. Alors, j'ai l'impression tout de même que l'optimisme l'emporte quand même à travers son œuvre. On a envie de dire avec Nietzsche, il y a tant d'aurores qui n'ont pas encore lui. Qu'est-ce qu'il y a encore à voir? Donc c'est pour ça qu'il prend et il reprend sans cesse la plume, il réécrit pour trouver la formule, comme si on allait pouvoir trouver la formule juste, quand même. Il espère, dans l'écriture, dans la vibration de l'écriture, de se soulager par, peut-être comme un Barthes aussi, qui s'écoutait parler pour ressentir la suavité des choses à travers le langage. C'est vrai qu'il y a des images, mais c'est aussi le langage monté avec les images. C'est un langage très musical. Oui, alors la musique, il prend souvent les métaphores de la symphonie. Il pense que, en fait, les peuples sont à lire en symphonie, à écouter en symphonie, qu'il faut mesurer des moments de silence, de pause, l'intervalle pour regarder. Et puis, de temps en temps, que les chocs visuels produisent comme des fausses notes, des dissonances éventuellement, qui se réconcilient ensuite dans la suite du morceau, en fait. Vous pose-t-il, Muriel Van Vliet, un problème au sens où lui délibérément refuse l'approche, je ne sais plus, il a une expression particulière, l'entreprise intellectualisante ou l'approche sèche. Et il est vrai que les générations qui suivent vont être beaucoup plus dans une certaine forme de rigueur que Elifort n'a pas forcément de prime abord. Est-ce que ça crée des chocs ou au contraire, est-ce que ça peut créer des formes de complémentarité, des cocktails inattendus? Ce qu'on peut noter, c'est que déjà d'une part, Elifort est un scientifique en quelque sorte, donc c'est quelqu'un qui n'est pas que lyrique, qui contrebalance la science par le lyrisme et le mysticisme, un peu comme un Bergson, là encore une fois. C'est quelqu'un qui, par-delà le temps, veut voir la durée, veut intuitionner les choses. Donc c'est vrai que il faut être prêt à cette aventure où on lâche un peu prise. Mais néanmoins, il y a une actualité de certains ethnologues pour une écriture plus lyrique. Des ethnologues comme Tim Ingold qui essayent d'écrire d'une façon, on va dire pas poétique, mais qui choisissent des thèmes poétiques. Je pense aussi à How Forest Thinks de Eduardo Cohn, où il y a une revendication scientifique d'une forme de lyrisme pour être au plus près de certains événements culturels, de certaines réalités qui ne peuvent pas être découpées. Alors, la sécheresse dont vous parliez, je pense que vous pensez aussi au structuralisme qui va finalement, dans sa version un peu mathématisante, asséché par des schémas assez forts. Lyophilité même. Voilà. Mais après, moi, je pense que c'est peut-être aussi un procès qu'on a fait après coup un peu trop fort à certaines formes de structuralisme qui, quand on les lit, en fait, c'est que les gens ne lisent plus certains livres, ne lisent plus jusqu'au bout Claude Lévi-Strauss pour s'apercevoir que les structures chez Lévi-Strauss sont vivantes aussi, que on ne peut pas d'un côté jeter le structuralisme et puis on s'en sait une forme plus concrète. Je pense que Elifor et d'autres de cette époque justement réussissent à tenir les deux. Ils réussissent à tenir une envie de rigueur et un remplissement par des images concrètes. Une question personnelle, Marianne Van Vliet, est-ce que l'écriture, les propos, la narration d'Elifor a pu changer votre regard en quelque endroit que ce fût ? Moi, ce qui m'a surpris, j'allais dire encore plus que l'écriture, parce que je veux bien l'accepter, je trouve, moi j'aime beaucoup les auteurs de cette période, parce que comme le roi Goran, on est plongé dans des mondes un petit peu décalés comme ça, un peu surannés avec des vieilles éditions, etc. Mais ce qui m'a le plus surpris, ce sont les chocs des images, en fait. Finalement, ça m'a plus remué, parce que après j'ai fait des parallèles, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous entendez, pardon, par choc des images? Les images qu'il choisit avec les agrandissements et le fait qu'il choisisse, par exemple, de mettre des séries florales avec un moteur ou des crânes de tigre en présentant ça comme des sculptures naturelles, en rebaptisant les images au gré de ses interprétations. Je trouvais qu'il y avait une grande liberté, que c'était comme du surréalisme. C'était proche, d'ailleurs, de la revue Document, qui m'a beaucoup intéressée par ailleurs. Alors pas tout à fait du surréalisme, je dirais plutôt la revue justement Document qui a proposé une alternative à un moment donné aux ouvrages de Éluard. Et donc en fait, j'ai trouvé que c'était très moderne. Et ces images-là, il les met à l'intérieur de son texte, à l'intérieur oui. de son récit. Ah, il y a presque autant d'images que de textes. Presque en fait. Autant d'images, oui. Il y a presque une image à chaque fois et elles sont tout le temps montées avec le texte. Donc elles sont... Elles sont appropriées, elles sont happées, elles sont phagocytées par son propos, au point que les éditeurs ont eu des problèmes parce que parfois, ils devaient rechercher d'où venaient les images et étaient un peu perdus par le côté hétéroclite. Pour des histoires de droit ou de... Oui, voilà. Ah oui. Parce que... Et alors, moi, je pensais que André Malraux était le premier, avec son musée imaginaire, à faire ça. Et avant lui, Abby Warburg, avec son atlas Mnemosyne. Mais en fait, on se rend compte que lui, c'est publié avant. Donc, c'est un usage... contemporain de la photographie qui prend ses droits véritablement en histoire de l'art, et c'est le règne de la visibilité, la théorie de l'image, et je pense que dans ça c'est très moderne comme façon, pas seulement d'écrire, peut-être pas d'écrire, mais par contre de placer les documents comme ça, une statuette africaine avec un agrandissement de Rembrandt à côté, et tout ça devant dialoguer quoi, ou étant obligé par le choc visuel de dialoguer. Et cette technique-là, si j'ose dire, de narration, elle est directement issue, on peut l'imaginer, des cours qu'il donne dans les universités populaires, ou devant une assemblée qui est ce qu'elle est, a priori passablement féminine, les images, son verbe, doivent probablement faire des allers-retours. Bah oui, créer la magie. Alors, plutôt que technique, j'utiliserais même le terme de Michel Foucault, j'allais dire foucaldien, mais Michel Foucault, dispositif. En fait, c'est vraiment un dispositif, un montage délibéré, avec un certain culot. Donc, je pense que ce qui l'intéresse, c'est de recréer le miracle sous nos yeux. Je crois qu'il y a une question de magie, en fait, d'enchanter. C'est pour ça que ça peut toujours être lu, parce que y a une sorte de souffle, en fait, qui porte les images, le texte monté. Et quand on se rend compte de l'importance d'auteurs comme Abby Verbourg ou Malraux, dont c'est aussi un peu le sort d'anniversaire avec le ministère de la Culture qui fête son anniversaire. donc en tout cas, je trouve qu'il y a ça qui est intéressant. Et puis l'usage des photos, là, je repense aussi au fait qu'il y a une proximité avec Walter Benjamin, cette idée de déambuler et de... Puisque le cinéma, c'est proche du cinéma, en fait. C'est presque une histoire de l'art qui devient cinéma, mais un cinéma un peu situationniste, où on se balade, où on se promène. Et pourtant, c'est pas si brouillon que ça. C'est ça qui est un peu étonnant. On est dans un sort de bazar. Alors, pour vous lire encore une citation, il dit que... Il parle, en fait, de l'art comme une expression momentanée et fugitive d'un mouvement interne et instable et cependant continu. Donc c'est ça qu'il essaye de faire, c'est du cinéma en fait, un mouvement continu avec des clichés qui vont prendre vie. Et il dit qu'on est dans une sorte de bazar. Alors je trouve que l'expression du bazar est parfaite. Alors il dit « On dirait que les gesticulations et les grimaces de l'idole clament son unité perdue. Ce n'est d'ailleurs plus une idole, c'est un article de bazar. » Donc à la fois on a un miracle, mais on est au bazar. C'est-à-dire que l'aura des œuvres... On s'en fiche. En fait, enfin, elle est restituée autrement. Elle est la religion se vide en quelque sorte de sa substance initiale pour se re-remplir d'un souffle comme dans la magie du cinéma. Comme, A-t-il jamais eu un projet de film lui-même, à votre connaissance ? Alors, je sais qu'il a essayé d'œuvrer pour des musées d'ethnographie, mais par contre, sur le cinéma, je ne suis pas spécialiste de cet aspect, donc je ne me prononcerai pas. Cependant, la revue que nous avions publiée, numéro 5 de la revue Regards Croisés, en fait, était contemporaine d'éditions de textes sur le cinéma. Donc, il y a des textes posthumes, il y a des rééditions, des traductions entre l'espace franco-allemand, dans l'espace franco-allemand, et du coup, peut-être que, en lisant plus précisément... Tout ça, il y a peut-être des... Oui, on voit bien que le cinéma arrive, quoi. Allez, une dernière petite citation pour le plaisir, puisque vous les avez écrites avec énormément de soin, et on vous en remercie. Alors, c'est une citation que j'adore, où il parle de l'oscillation de l'homme. Donc, parce qu'en fait, c'est l'homme dont il est question. Au début, il y a un chapitre qui devait s'appeler la religion, il a fini par l'appeler... Ça devait s'appeler l'absolu, il a fini par l'appeler l'homme. Donc il y a le passage de l'absolu à l'homme qui se fait sans problème. Et donc il dit que l'homme oscille entre devenir un animal intelligent et demeurer un dieu confus. Il lui faut être au plus haut degré l'un et l'autre, mais jamais exclusivement. Donc, on a du Nietzsche, on a du Bataille, et je pense que c'est cette oscillation qui donne à voir. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci Jean Leclerc.